Voici, en écho, le sentiment de Julie, extrait d'une lettre de Claire à Saint-Preux. Je n'oublierai jamais un jour de cet hiver où, après avoir fait en commun la lecture de vos voyages et celle des aventures de votre ami, nous soupâmes dans la salle d'Apollon et où, songeant à la félicité que Dieu m'envoyait en ce monde, je vis tout autour de moi, mon père, mon mari, mes enfants, ma cousine, Miller Edouard, vous, et tout cela, rassemblés pour Laura et Julie. Je me disais, cette petite chambre contient tout ce qui est cher à mon cœur et peut-être tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre. Je suis environné de tout ce qui m'intéresse. Tout l'univers est ici pour moi. Je jouis à la fois de l'attachement que j'ai pour mes amis, de celui qu'ils me rendent, de celui qu'ils ont l'un pour l'autre. Leur bienveillance mutuelle, où vient de moi, où s'y rapporte. Je ne vois rien qui n'étende mon être et rien qui le divise. Il est dans tout ce qui m'environne. Il n'en reste aucune portion loin de moi. Mon imagination n'a plus rien à faire. Je n'ai rien à désirer. Sentir et jouir sont pour moi la même chose. Je vis à la fois dans tout ce que j'aime. Je me rassasie de bonheur et de vie. Ô mort, viens quand tu voudras. Je ne te crains plus. J'ai vécu. Je t'ai devancé. Je n'ai plus de nouveaux sentiments à connaître. Tu n'as plus rien à me dérober.